gâteau. Dinard, épinard, c'est une mamie western. C'est une mamie la mienne, une mamie que j'aime. Mais moi je l'aime comme ça. Mais moi je l'aime comme ça. Mais moi je l'aime.